BR Métal, avec 4 divisions, mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. On va parler du tournoi Bantam. On en parlait avec notre ami David Lamontagne. Évidemment, c'est la chronique du hockey mineur. Salut David! Salut Danny! David, je me m'abuse, c'est la 55e, 56e édition, hein? Non, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est plus. Dans les 40, 45. Ah, ok, je pensais qu'il était plus vieux que ça. C'est le tournoi de centre de formation. Cette année, je pense que ça va être leur 50e anniversaire. Ok. Donc, c'est la 45e édition. Évidemment, c'est de plus en plus difficile d'avoir des équipes, hein? Oui, comme je te disais dans les autres chroniques, oui, c'est sûr qu'il y a moins d'équipes dans la région. Probablement moi aussi dans les autres régions. Mais au moins, on en a quand même des équipes de l'extérieur un peu. OK. Mais on a 15 équipes cette année au tournoi Bantam. OK. Donc, c'est sûr que ça va, au lieu de commencer le mercredi, on va commencer le jeudi. OK. Puis, c'est ça. Donc, évidemment, c'est ça va avec tout. Hein. Puis les équipes d'extérieur, ça vient de où? Oh, je les ai pas toutes. Il y a une équipe des Plaines, une équipe de Charlevoix. Je te dirais, là, 4-5 équipes de l'extérieur. Je ne sais pas exactement les villes, là. Okay. Mais, en tout cas, c'est le fun d'avoir que c'est okay. Plus difficile dans le double lettre d'avoir des équipes de l'extérieur. OK. Donc, évidemment... Ouais. Le tournoi, ça commence jeudi. Il y a les Loups dans le Bantama qui commencent leur tournoi jeudi à 19h30. OK. Après ça, avant le 18h15, les Rebelles Saguenay-Lac-Saint-Jean, si les gens veulent venir voir jouer une équipe féminine, ouais. C'est toujours intéressant. Okay. Après ça, vendredi, il y a des parties à partir de 11h et 11h30. Les Éperviers, l'accélérateur dans le Bantam Bay commence leur tournoi à 15h30. Okay. Pour ce qui est des Loups, ils jouent vendredi soir à 18h10 contre les Couvreurs des Plaines. Okay. Puis la match d'ouverture à 19h30, les Patriotes de Saint-Bruno contre les Rapides de Saint-Jean-Mort. Dans okay. Le double lettre dans le 2B. Et on rappelle qu'il y aura des reportages tout au long de la fin de semaine. Au moins deux reportages, un samedi et un dimanche. Donc, oui. Évidemment, c'est Olivier Boutin, je pense, qui est le président d'honneur. Oui. C'est ça? Oui, c'est Olivier qui est le président d'honneur de Métro Danny Boutin. OK. Oui, c'est lui qui est cette année, oui. OK. Donc, évidemment, c'est vraiment très, très intéressant. Parle-moi maintenant, évidemment, on a appris une nouvelle ce matin, tu l'as bien connu aussi, on est de la même génération, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'a connu, sauf qu'il y a un grand bénévole de Olbeau-Mistassini qui est décédé, il a fait du bénévolat pendant 50 ans dans le hockey mineur à Olbeau-Mistassini, c'est Thomas Ouellet. Toi, David, en tant que président du hockey mineur, et que tu l'as connu, tu as sûrement une réaction, parce qu'il en a lassé des patins. Ah oui, il en a lassé des patins, moi le premier, quand j'ai commencé à jouer au hockey... Tout le monde a connu Thomas, tous ceux qui ont joué au moins dans le hockey mineur à Olbeau dans le temps. Mm. Je pense que quand on parle de 50 ans, c'est pas peu dire. Puis j'en profite en même temps au nom du hockey mineur de Saint-Jean-Nord d'offrir les sympathies à toute la famille. Okay. Toutes les gens qui étaient proches de lui. Ben oui, effectivement. Lui. Hey, on dit que ça fait à peu près 100 ans. Ça fait à peu près 100 ans que lui et Jean qui font du bénévolat. Donc, c'est beaucoup de bénévolat, là. Oui, c'est assez impressionnant, oui. Oui, OK. Ben, on s'en reparle bientôt. Oui, on s'en reparle, la semaine prochaine, puis en fin de semaine, suivi du sport Bantam. Oui, effectivement. Donc, voilà, donc, Thomas Ouellet, pas Thomas Ouellet, mais David Lamontagne, qui nous parlait du hockey mineur de Boom Sissi.